c'est autour de cette question à la fois de l'exceptionnel et du banal que la transition est parfaite avec l'ouvrage de Pierre, puisqu'en fait, l'idée, mais encore une fois, là, Pierre l'a dit dans l'introduction, c'est quand même de pénétrer dans ces univers fermés que sont les sites nucléaires, en l'espèce celui de Marcoule dans le département du Gard, dans le nord du Gard, site donc d'un centre de maintenance tournante, avec l'idée au fond de rentrer à l'intérieur et en montrant le travail quotidien de ces salariés du nucléaire. J'emploie à dessein le terme salarié parce que la question du jeu des professions à l'intérieur du site est particulièrement importante dans le livre. L'idée est de désinvisibiliser les travailleurs qui affrontent les dangers du travail au quotidien. Donc, c'est ce que Pierre Fournier souligne dès l'introduction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, désinvisibiliser, je vais y arriver, les travailleurs qui affrontent les dangers du nucléaire au quotidien? C'est l'idée que le nucléaire est souvent appréhendé parce qu'il est un univers fermé qui se livre peu et qui, bien évidemment, laisse transparaître peu d'informations. Il est donc appréhendé par des circonstances souvent exceptionnelles que sont les accidents des sites du secteur, et que ces accidents, en mettant l'accent et en permettant aux profanes, j'appelle profanes, le tout un chacun de l'extérieur, d'attraper le nucléaire par l'exceptionnel, invisibilise le quotidien des travailleurs. Donc l'idée du livre, c'est de prendre le contre-pied de cet exceptionnel et d'essayer de restituer ce qu'est le quotidien donc, ces travailleurs dans ce qu'ils affrontent comme danger, mais aussi dans ce qui, au fond, ne se présente plus pour eux, forcément comme un danger. Et là, il y a tout un travail qui est fait par Pierre pour guider le lecteur vers ce qu'est l'appropriation indigène, hein, pour employer la catégorie sociologique, du danger par les travailleurs. Donc, dans cette volonté de, au fond, éviter ce que Pierre appelle l'écueil du surinvestissement de la question des risques, il n'y a pas pour autant une minoration de la question des risques. Elle est l'objet central du livre, mais au fond, ce qui intéresse le sociologue qui observe, c'est de regarder comment les salariés du nucléaire, et notamment les ouvriers de maintenance, bricolent, et j'emploie le terme à dessein, au quotidien avec la question du risque. C'est-à-dire comment ils travaillent dans un univers à risque avec un certain nombre de contraintes, avec énormément de normes qui sont censées guider leur action. Et je dis censées guider parce que l'ouvrage, au fil des chapitres, il y en a 6, montre comment, au fond, ce bricolage quotidien est aussi non seulement un affranchissement des normes, alors ce qui, a priori, dit comme ça, peut paraître comme extrêmement dangereux, mais qui est aussi une navigation au milieu de normes qui sont parfois complètement contradictoires et avec lesquelles les travailleurs du nucléaire ont à composer pour ne pas être contaminés dans des situations soit dramatiques, soit au fond assez banales, puisque ce que montre Pierre, c'est que y a une façon assez banale d'être contaminé et décontaminable à partir de toute une série très détaillée de superpositions de vêtements qui rend, il est vrai, au lecteur qui n'est jamais rentré dans un site nucléaire, comme c'est le cas pour moi et comme je pense c'est le cas pour pas mal de gens ici, parce que c'est des endroits où on rentre pas facilement, qui rend au fond l'entrée plus, comment dire, moins surprenante qu'il pourrait y paraître dans cette description justement de toute la mécanique qui est, je prends cet épisode délibérément, non pas comme une anecdote, mais comme un point d'exemple, qui est comment s'habille-t-on et comment se déshabille-t-on quand on travaille à la maintenance, par exemple, d'une plateforme roulante contaminée, et qu'il faut la déplacer sur une autre zone du site. Et c'est à partir de ce genre d'épisode ou de scène précisément décrite que le sociologue arrive à montrer ce qu'est cette forme de bricolage avec les risques et les contraintes. Alors, du coup, l'entrée dans le livre, c'est aussi l'idée de rendre au travail, mais ça a été dit et pas dit que par Pierre, ça a été aussi dit dans la présentation que Gabriel a faite de sa trajectoire, rendre au travail dans le nucléaire, c'est trait d'activité industrielle, c'est-à-dire c'est trait de travail dans le secteur industriel et donc de conditions ouvrières, pour le coup, parce que là il y a une véritable entrée sur le segment des professions qui est celui des ouvriers, de conditions ouvrières qui n'est, je cite hein, l'introduction, page 14, pas si singulière et finalement plutôt privilégiée. Alors on reviendra peut-être sur le terme de plutôt privilégiée à propos des sous-traitants de la maintenance qui font des carrières longues et sur lesquelles l'ouvrage s'arrête très longuement. Donc il y a cette idée de, au fond, rentrer dans l'univers d'un site nucléaire, d'un centre de maintenance tournante du nucléaire, en montrant au quotidien ce qu'est le travail. Alors, ce qui est peut-être paradoxal, c'est que l'ouvrage s'ouvre sur l'accident qui a eu lieu donc dans ce centre de Marcoule. Évidemment, moi, avec les dates en ce moment... Septembre 2011. Voilà, en septembre 2011, j'ai toujours une année de décalage. Et délibérément, pour prendre le contre 12... Alors, c'est toi qui as une année de décalage. Non, c'est ça. Oui, c'est 11, en septembre 2011. Le 12 septembre. Ah oui, pardon. Voilà. Parce que du coup... Comme j'ai fourché sur Fukushima tout à l'heure, vous allez encore me... Donc c'est une entrée par l'accident pour justement prendre le contre-pied de l'accident, j'allais dire, mais de manière un peu, peut-être un peu rapide et un peu provocatrice, l'idée n'étant pas de nier l'accident, l'idée étant de rentrer dans le quotidien pour montrer ce qu'il y a en dehors des moments d'accident, mais aussi pour montrer ce qui peut amener à l'accident. Et ça, c'est vrai que c'est une situation d'observation. Je voudrais m'arrêter un instant avant de détailler peut-être les différents chapitres du livre, sans prendre trop de temps. C'est une situation quand même d'exceptionnelle observation sociologique que Pierre Fournier a pu mener. Alors, je ne reviens pas sur les conditions d'entrée sur le terrain. Peut-être que ce sera... Enfin, c'est d'ailleurs une de nos questions transversales, mais qui ont été plus détaillées par Pierre dans la présentation de sa trajectoire qu'elles ne le sont dans le livre, et c'était un de mes regrets, mais bon, là, du coup, dans la discussion, elles ne le sont pas. Comme sous-traitant de la maintenance, soit en termes d'emploi d'été, donc soit en intérim et en stage. Donc il y a différentes situations d'emploi qui sont autant de postures d'observation, parce qu'évidemment, dans la division non pas du travail au quotidien, mais de l'emploi, dans y compris la structure de la maintenance, qu'on soit stagiaire ou qu'on soit intérimaire, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, c'est une posture d'observation absolument privilégiée pour rentrer dans cet univers qui est un univers à tranches de risque, si je puis me permettre cette expression, c'est-à-dire à zone plus ou moins risquée. Et il y a tout un travail de décryptage de ce que sont les zones, en l'occurrence dans l'ouvrage, qui prend délibérément une distance avec les terminologies indigènes, qui sont les zones vertes et les zones rouges. Les zones vertes étant des zones à faible potentiel contaminant, et les zones rouges étant des zones comme je dirais la symbolique du rouge l'indique, et comme l'ouvrage le reprend sur sa couverture, très fortement contaminante. Et donc c'est vrai que cette posture là est une posture qu'on n'a pas l'habitude sur des industries à risque comme celle du nucléaire de suivre et de connaître, et c'est particulièrement intéressant pour montrer ce qu'est l'activité de travail au quotidien, dans les rythmes du travail, dans la composition des équipes, dans la variation des structures de l'emploi. Là, il y a une attention particulièrement forte portée au rapport entre statutaire et sous-traitant, je vais y revenir, et enfin dans le rapport au risque et à l'accident. Donc, l'ouvrage se décline en 6 chapitres. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de chacun d'entre eux. Ce qui m'a paru particulièrement intéressant, c'est peut-être 3 points qui sont transverses à ces chapitres. C'est la question de l'erreur. Qu'est-ce qui aboutit à l'accident, qu'il soit un accident au sens, je dirais, restreint du terme, à savoir un épisode de contamination pour un ou plusieurs travailleurs du site, ou qu'il soit un accident plus large au sens plus dramatique comme celui de septembre 2011 qui a abouti au décès d'un des travailleurs du site. Alors encore une fois, c'est sur les épisodes d'accidents contrôlables que l'ouvrage s'arrête, même s'il s'ouvre sur la catastrophe de septembre 2011, c'est sur les épisodes d'accidents contrôlables et contrôlés que l'ouvrage s'arrête, et qu'il montre donc toute la dynamique qui est celle de l'erreur. D'où vient l'erreur ? Dans l'idée non pas de donner des torts à ceux qui seraient éventuellement fautifs, mais au fond de montrer comment... alors déjà de prendre premièrement le contre-pied de toute la terminologie de l'erreur humaine, ou du facteur humain, hein, comme on l'a connu dans des décennies antérieures, du facteur humain des risques, ou de l'erreur humaine, pour montrer que si elle est humaine, je cite une phrase de mémoire, elle est au moins collectivement humaine, dit l'auteur du livre, mais aussi pour montrer comment, en fait, elle émane de la difficulté de faire avec des normes du travail quotidien totalement, tellement multiples qu'elles sont difficiles à suivre, et parfois tellement multiples qu'elles en deviennent contradictoires. C'est-à-dire, je prends un exemple dans le premier chapitre, qui est la contamination d'un ouvrier qui travaillait de mémoire en zone rouge, et qui, donc la zone la plus contaminante, hein, si je... Je ne reviens pas sur les grades, on en reviendra dans la discussion de la contamination possible et des accidents. Mais je prends cet exemple, donc un ouvrier qui travaille en zone rouge et qui est amené, qu'on appelle un décontaminateur, donc qui est là pour travailler à la décontamination d'une installation, et qui doit lui donc évacuer un liquide qui est contaminé et contaminant dans des pots qu'il doit mettre dans un sas, et derrière ce sas intervient un deuxième travailleur qui emballe les pots, et qui les emballe de telle sorte qu'il les rend transportables sans contamination pour celui qui va les saisir. L'accident survient, et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce premier chapitre, le récit qui en est fait, c'est qu'on part de l'accident de contamination du travailleur qui emballe le pot, qui est donc en zone potentiellement moins contaminable que celui qui est en zone rouge, et on remonte le fil. Quand je dis on, c'est Pierre qui remonte le fil, mais je dis on délibérément parce que le lecteur le fait avec lui, de ce qui a produit cet accident, et au fond, à la fin, on est bien en peine de trouver une erreur humaine, et je pense que c'est le but du chapitre, qui vise un tantinet à faire semblant d'égarer le lecteur sans le faire néanmoins, on suit tout à fait, qui est en fait que l'ouvrier contaminé a été contaminé parce que le récipient en question n'était pas complètement sec, alors qu'une des normes est effectivement de le sortir de la zone contaminée en l'ayant suffisamment séché pour qu'il puisse être emballé sans contaminer celui qui l'emballe, mais il n'a pas été séché parce que c'est pas le boulot du type qui est en charge directement de le remplir, et qui lui-même doit normalement évacuer un pot par un pot, mais qui, comme il a affaire à un robinet n'est pas complètement étanche, à un moment où il doit le fermer parce qu'il y a une substitution d'équipe, et qui donc il ne doit pas faire continuer les pots à se remplir de la sorte, n'arrive pas à fermer le robinet parce que le robinet n'a pas été installé pour être suffisamment résistant à l'acidité du produit qui s'échappe, et qui de coup se retrouve non pas avec un pot à évacuer mais avec 4 pots, Et on lui a dit que pour éviter l'incident dit de criticité, c'est en fait le moment où tout s'emballe et peut peut provoquer un accident beaucoup plus important. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs peaux, donc il commence par éparpiller les peaux dans la pièce et puis évacuer les peaux beaucoup plus vite et puis donc ne pas essuyer les peaux. Et donc celui qui va récupérer les peaux à l'extérieur et qui doit les emballer avec des peaux essuyées se retrouve avec des peaux mouillées. Voilà. Et donc je fais délibérément dans le débit cette espèce d'accélération parce qu'on a cette espèce d'accélération dans la lecture du chapitre et qu'à la fin, c'est au terme de tous ces micro-événements qui sont évidemment imprévisibles mais qui sont aussi liés, et là c'est un des points qu'on soumettra plus largement à la discussion, à la structure de l'emploi sur le site. Et à l'organisation du travail en termes d'horaire et au tuilage des équipes entre elles, c'est-à-dire qu'en gros il y a un moment une équipe qui doit être relevée qui part et personne qui arrive, cet accident qui pourrait être qualifié, je pense, par les intéressés d'incident, vu qu'après tout rentre dans l'ordre par un dispositif de suivi des normes de décontamination, eh bien survient. Et en fait, tout le propos du livre est de montrer comment ces enchaînements sont l'effet, au fond, de contraintes qui sont parfois contradictoires et avec lesquelles les ouvriers doivent s'accommoder pour travailler au quotidien. Un des autres éléments du livre... Ce point-là, on le retrouve dans le premier chapitre, une drôle d'erreur humaine. On le retrouve aussi dans le quatrième chapitre qui titre délibérément « Et si l'erreur était sociale ?» Et la question est, à mon avis, de pure forme, puisque la réponse est évidemment qu'elle est socialement construite. Et un des autres éléments qui traverse le livre est la structure de l'emploi, et notamment de l'emploi en maintenance, des sous-traitants en maintenance. C'est-à-dire de l'emploi sous-traitant par rapport à l'emploi statutaire, et de montrer comment, sur ce site, la question étant... Mais j'ouvre peut-être déjà sur le débat, est-ce que ce n'est pas une particularité du site, les sous-traitants sont des sous-traitants qui durent, c'est-à-dire sont des sous-traitants qui sont de véritables carrières de sous-traitants de plusieurs années, voire pour certains de plusieurs dizaines d'années, qui sont une partie intégrante des collectifs de travail en ce qu'ils ont leurs habitudes sur le site, travaillent avec les mêmes équipes, sont délibérément réemployés parce que tout ce qui est la forme d'accommodation des statutaires aux sous-traitants prend du temps et qu'il y a bien une économie de moyens et de risques que de réemployer les mêmes et de manière durable, et que dans les sociabilités ouvrières, ce que l'enquêteur, le sociologue constate, c'est bien qu'au fond, ils font partie de ces collectifs de travail, de ces collectifs serrés, pour reprendre le titre du troisième chapitre, et qu'il n'y a pas véritablement de distinction si ce n'est donc dans le statut, au quotidien, dans l'activité et dans la répartition des tâches. C'est du moins l'idée qui me semble ressortir d'une lecture, je dirais, non pas d'épisodes précis, mais du fil de l'ouvrage, donc au fil de ces six chapitres. Néanmoins, il y a quand même une singularité de la position de sous-traitant, non pas tant justement dans la forme du contrat, qui est celle de ne pas bénéficier de l'ensemble des protections liées au statutaire, ni dans la forme des sociabilités ouvrières, puisque l'ouvrage à un moment souligne combien toute la mécanique de sociabilité, de l'en-dehors du travail que peut être par exemple les cadeaux faits à l'occasion d'un événement heureux dans la vie, ça concerne tout autant les sous-traitants que les statutaires. Je veux dire, le contrat de travail ne vient pas diviser de la sorte le collectif ouvrier, voire plus largement le collectif salarié, si l'on inclut à certains moments les techniciens. Néanmoins, on sent, dans certains moments du livre, je dirais une fatigue de certains sous-traitants, et je pense notamment à un personnage qui est celui d'Henri, quand il plonge, alors plonger c'est un langage indigène pour dire entrer en zone rouge, et il semble, alors la fatigue du plongeon, la fatigue, la résistance mise à l'épreuve de ces zones à grand risque, elle est commune et elle est très minutieusement décrite, et décrite aussi dans le dans le quotidien de travail, c'est-à-dire comment, comment il faut faire face à la peur, comment on apprivoise la peur, et comment, au fond, peut-être, dans ces collectifs qui sont très fortement masculins, il y a une femme, Véronique, qui fait partie d'une des équipes, mais dans ces collectifs très fortement masculins, je dirais, le recours à la virilité est à un moment un antidote à la peur de la contamination. Néanmoins, donc dans tous ces traits qui font le commun des ouvriers de ce site et qui ne distinguent pas les sous-traitants des statutaires, il y a à certains moments, dans certains passages du livre, autour de ce sous-traitant qui est Henri, quelque chose qui perle, je dirais, d'une singularité de la condition de sous-traitant dans la difficulté de supporter le travail au quotidien. Alors, est-ce que c'est lié à la trajectoire d'Henri, mais est-ce que ça ne renvoie pas plus largement à ce qu'est quand même une forme de segmentation du marché du travail par le recours à la sous-traitance et à ce qui sera, ce qui est, et ce qui est notamment, Paul faisait référence à l'ouvrage d'Anité Beaumoni qu'on avait invité dans ce séminaire, pas à propos de cet ouvrage, mais qui est quand même la question de l'externalisation des risques et de leur reconnaissance différenciée selon... en tout cas de leurs interlocuteurs différents in fine dans le management, selon qu'on est sous-traitant ou qu'on ne l'est pas. J'ai été particulièrement intéressée par le fait qu'il y a des vestiaires pour les sous-traitants, qui ne sont pas les vestiaires des statutaires. Et là, on a quand même un point limite de cette sociabilité du collectif de travail qui est, je dirais, un point limite de la ressource positive, parce qu'on est quand même dans une forme... ségrégé de lieu du travail qui pose question et qui, me semble-t-il, perle à travers le livre. Bon, alors, c'était pas une entrée de l'ouvrage, mais qui, moi, est une question qui m'a particulièrement intéressée. Peut-être qu'il faut que j'abrège. Donc, peut-être rapidement, autour de la conclusion, ce que je retiendrai de l'ouvrage et ce qui est mis en avant, justement, dans la conclusion, c'est cette forme de gestion par le collectif de travail de la dangerosité, qui n'est pas forcément donnée comme le risque. Le management l'appelle risque, mais la langue indigène de ceux qui y sont confrontés n'est pas celle du risque. Comment les ouvriers déploient des stratégies pour faire face à un travail sous contrainte et quelle façon ils ont de bricoler avec des contraintes qui, encore une fois, sont assez contradictoires et qui planent sans qu'on les voit particulièrement ou vraiment incarnés par un management qui est assez absent. Et ça, c'est aussi une des découvertes, à mes yeux, pour moi, de l'enquête, qui est que dans ces univers extrêmement normés, on peut penser au travail à la chaîne auquel Pierre Fournier fait référence dans l'idée de rendre donc à ce travail industriel dans le nucléaire son caractère commun de travail industriel. Sur le travail à la chaîne, au moins dans son épopée, j'emploie le terme à dessein, taylorienne, la question du management et du chronométreur, par exemple, ou du régleur, est omniprésente. C'est-à-dire, le management est omniprésent. Et là, on est dans un univers de contraintes, notamment sur le temps, et la décomposition des gestes qui est extrêmement minutieux et où un management est là pour faire appliquer, je dirais, la contrainte de la minutie et de la décomposition du geste. Là, on est dans un univers de contraintes extrêmement étoffé. Encore une fois, on ne rentre pas dans le détail, mais avec l'exemple du pot et de la superposition des vêtements et de la superposition des contraintes entre que faut-il faire le robinet qui fuit, les quatre pots, les un seul pot et les emballages qui doivent être secs, on a une surcharge de contraintes et en même temps, on n'a pas de management. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a très fortement marqué. Et comment, peut-être qu'une des apories, non pas de l'enquête, mais ça perle à travers les lignes, c'est comment, autrement que dans les formes d'auto-incorporation de la contrainte, le management s'emploie-t-il à faire appliquer, y compris quand on voit à faire appliquer ces contraintes, y compris quand on voit la façon dont les ouvriers peuvent, et j'emploie le terme avec, parce que je n'en trouve pas d'autres, mais avec moult guillemets, jouer avec les mesures, et se défaire de leur dosimètre et se défaire de leur stylo. Et comment le management arrive après coup et comment il sait que les ouvriers se sont défaits de leur dosimètre et qu'il gère ça par classique mécanique de la relation dose enfin dose effet, c'est-à-dire qu'on va les, ils ont pris leur dose, on va les sortir de là et on va pas les y mettre pendant 5 semaines, c'est votre punition, vous redescendez pas, vous replongez pas pendant 5 semaines, vous avez pris suffisamment votre dose. Mais en fait on voit très bien dans le récit de cet épisode où les ouvriers en question prennent leur dose, on voit très bien que le management sait qu'ils vont la prendre. Et donc il y a quelque chose d'une absence du management qui fait partie de la politique d'emploi et qui, me semble-t-il, est un des points qui fait de cet univers de travail un univers qui est quand même non pas singulier, parce qu'on enfin, l'autocontrainte et le management absent on voit ça dans d'autres secteurs et dans d'autres formes d'emploi, mais il y a quand même une question qui enfin, en tout cas, un élément de très forte surprise.